Bon, merci de l'invitation et puis je voudrais tout de suite aborder le vif de la question, c'est-à-dire la définition du commun, dans la mesure où vous avez justement présenté cette définition comme étant le cœur de l'ouvrage que nous avons fait avec Christian Laval dernièrement. Et c'est une notion qui nous tient beaucoup à cœur, mais c'est une notion que nous n'avons pas comme ça inventée, je veux dire, la produit uniquement, bien sûr, parce que c'est aussi le produit de ça, d'une élaboration dans un milieu relativement clos et confiné. Et nous avons d'abord été à l'écoute d'un certain nombre de choses qui se sont produites dans le monde depuis la fin des années, les années 1990, on va dire, et le début des années 2000. Et il y a à ce moment-là, en effet, une émergence qui est relativement identifiable à même certains mouvements sociopolitiques, qui est l'émergence de la question des communs au pluriel. Et ce que je voudrais commencer par faire, c'est par présenter justement l'articulation entre le pluriel, par lequel justement ces mouvements sociaux ont commencé à s'affirmer, et puis d'autre part le singulier que nous tâchons de mettre en évidence à travers le livre, puisque d'un certain point de vue, le problème du livre, c'est l'articulation entre le singulier du commun comme principe et d'autre part le pluriel des communs. Le pluriel des communs étant censé traduire en français l'expression anglaise. L'expression anglaise s'est trouvée assez mal traduite souvent par l'expression de bien commun, c'est-à-dire qu'on a ajouté en français le terme de bien, le substantif de bien, ce qui a permis d'ailleurs à certains économistes d'y retrouver leur latin, puisqu'ils ont immédiatement traduit cette émergence de la question des communs au pluriel dans le langage traditionnel qui était celui de l'économie, c'est-à-dire le langage de la classification des biens. Je reviendrai sur ce point-là, mais c'est assez important à signaler. Et il nous apparaît que, justement, il y a une sorte de convergence qui s'est opérée, notamment quand on voit ce qu'on appelle le mouvement d'occupation des places dans un certain nombre de villes de par le monde, une convergence entre la question des communs, qui avait ressurgi déjà une dizaine, voire une vingtaine d'années avant, et d'autre part, la question du commun, ou plutôt la question, d'ailleurs, de la commune comme forme privilégiée de l'autogouvernement local. Parce que ce qui nous a frappé avec Christian, en faisant attention à tous ces mouvements, on s'est aperçu qu'il y avait une référence qui n'était pas que lyrique, qui n'était pas de l'ordre du pathos, en tout cas pas uniquement, à l'expérience de la Commune de Paris. Alors c'est le cas pour la place Taksim et le parc Gezi, c'est le cas pour Occupy Wall Street, c'est le cas pour un certain nombre d'autres mouvements, c'est le cas bien sûr des indignés espagnols, c'est le cas d'un certain nombre de mouvements en Italie. Et je crois que c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé dans la mesure où il y avait comme justement une sorte de passerelle ou de pont jeté comme ça entre la revendication de la défense des communs au pluriel et la revendication de la forme de l'autogouvernement local symbolisée justement dans l'histoire par la Commune de Paris 1871. Et c'est ça qui nous a amené à réfléchir justement à ce qu'on pourrait appeler un triptyque, c'est-à-dire le commun comme principe politique, les communs comme type d'objet pris en charge par des collectifs extrêmement divers, ça peut être des espaces urbains comme espaces de vie par exemple dans une ville comme Istanbul, à l'occasion du mouvement de la place Taksim, ça peut être tout à fait autre chose, la question de l'eau, la question des semences, etc. Mais il y a une manière donc d'interroger le lien entre justement la forme de l'autogouvernement local et d'autre part les objets qui doivent être pris en charge pour être défendus en tant que communs contre des volontés prédatrices ou des volontés d'appropriation. Et cette question-là nous paraissait extrêmement importante. C'est vraiment la matière première du livre. C'est vraiment ce à partir de quoi le livre a été complètement élaboré. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question du commun n'a pas surgi par hasard. Elle a surgi d'abord de l'analyse que nous avons fait d'un certain nombre de mouvements de par le monde. Et ça s'est imposé à nous. Alors ce qui s'est imposé à nous ensuite, c'est la nécessité de traduire ça intellectuellement en élevant le commun au rang de principe politique. Et en montrant que justement il y avait ce triptyque, il y avait le commun comme principe politique, il y avait la commune comme forme de l'autogouvernement local, et il y avait les communs comme objet pris en charge par des collectifs, avec une dimension qui était très importante, qui était la dimension de l'inappropriable. Mais la dimension de l'inappropriable, pas la dimension de l'inappropriable au sens de ce qui n'appartient à personne, mais au sens de ce qui ne doit pas être objet de propriété. Et ce qui ne doit pas être, j'insiste beaucoup justement sur la dimension du droit, sur ce qui ne doit pas être réduit à un objet de propriété, pas plus justement un objet de la propriété publique qu'un objet de la propriété privée. Et à cet égard, ce qui nous a frappé aussi, c'est de comprendre que justement il y avait une logique dans ces mouvements-là qui heurtait de manière assez directe la logique d'hybridation du public et du privé, dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça, c'est une logique qui nous apparaît comme étant au cœur du dispositif néolibéral. C'est une hybridation qui est assez importante, qui n'est pas en elle-même tout à fait nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a un ouvrage de Weber qui nous a beaucoup intéressés, Christian et moi. C'est un ouvrage qui s'appelle « Sociologie du droit », dans lequel il met en évidence que, dans l'histoire de l'Occident, depuis les rois mérovingiens et même un petit peu avant, il y a une sorte, comment dirais-je, de relation assez tourmentée, conflictuelle, qui n'est pas du tout une relation d'opposition pure et simple entre ce qu'il appelle l'imperium et le dominium. L'imperium, c'est-à-dire le principe de l'autorité publique ou étatique, et puis d'autre part le dominium, c'est-à-dire la domination exercée par le dominus en tant que maître ou seigneur sur un certain nombre de biens matériels qui constituent justement son domaine. Et Weber montre très bien que, contrairement, alors là, à ce qu'on pourrait considérer comme étant une présentation historique assez néolibérale dans l'inspiration de cette histoire-là, l'histoire de l'Occident est faite d'une sorte d'hybridation entre ces catégories, c'est-à-dire que l'imperium s'est lui-même construit en important en son sein des catégories qui venaient du droit privé, c'est-à-dire du dominium. Et c'est d'autant plus important que tout ceci a généré une histoire qui est assez complexe, donc il faudrait retracer, bien sûr, les différents moments. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le néolibéralisme, avec l'avènement de la rationalité néolibérale, et surtout avec le tournant qui a été pris depuis 2008, nous sommes entrés dans une phase qui nous apparaît comme étant une phase de crise de ce double fondement, de ce double pilier qui est celui de l'imperium et du dominium. Parce que ça concerne aussi bien l'État que la propriété privée comme droit exclusif et absolu. Et quand je dis que ça concerne l'État aussi bien que la propriété privée exclusive et absolue, c'est parce que tout simplement l'État lui-même est devenu un État propriétaire. Donc la crise est devenue une crise de l'État propriétaire et pas uniquement une crise de la propriété privée. C'est une crise de la propriété privée, bien sûr, mais c'est une crise de l'État propriétaire également. Et c'est donc une crise de la propriété publique. C'est une crise de la propriété publique en même temps qu'une crise de la propriété privée. Et ça, c'est assez important à comprendre. Ce qui fait qu'il est souvent assez difficile, et je comprends des gens qui, à l'intérieur des services publics, sont amenés justement à livrer souvent des combats dans des conditions qui sont assez difficiles parce qu'ils ont un peu de mal à percevoir les enjeux des concurrences entre les normes dont vous parliez tout à l'heure. Et ceci, effectivement, est facilité par le fait qu'à l'intérieur même du public se trouvent importées des normes qui viennent du droit privé. C'est-à-dire qu'on a une coquille vide sur le plan juridique où, en fait, les normes du droit public continuent de prévaloir officiellement, mais elles sont vidées complètement de leur substance. Et des normes qui sont celles de plus en plus du droit privé tendent à prévaloir. Je parle là de la vie quotidienne et de la façon dont les agents ou les acteurs de ces différents champs sont amenés à se démêler, parce que c'est souvent comme cela que ça apparaît, comme ça que c'est vécu, et à mon avis à juste titre, parce que c'est une épreuve, c'est assez difficile. Alors qu'il y ait là matière à des conflits qui peuvent constituer des points d'appui pour résister à l'emprise de cette rationalité, ça me paraît indiscutable. Mais je crois que d'abord, il faut prendre la mesure du fait qu'on a là quelque chose, en effet, d'assez inédit, hein, cette espèce de double crise comme ça de l'imperium et de dominium. Et c'est ce qui constitue, à notre avis, le terrain à partir duquel la question des communs a émergé. La question des communs a émergé précisément parce que beaucoup de gens se sont aperçus que c'est l'État lui-même qui prenait l'initiative de la remise en question de ce qui était apparu antérieurement comme étant du commun ou des communs. Et donc cette façon qu'avait l'État de se poser lui-même comme étant un acteur néolibéral qui entrait en conflit avec les exigences de la défense des communs, ça c'est une question qui nous a paru extrêmement importante, une question centrale, vraiment pour notre époque. Et donc je serais tenté de dire que finalement, lorsque nous avons mis en évidence dans le livre que le commun devait être pensé comme un principe politique qui devait permettre d'articuler la commune, forme de l'autogouvernement local, et les communs qui devaient être préservés de la dimension de l'appropriation, eh bien, il nous a semblé que ça venait en quelque sorte de la situation elle-même, de la façon dont les acteurs prenaient position à l'intérieur de cette situation, des transformations subies par le droit public et par l'État lui-même, et que ce n'était pas du tout de notre part une manière de renouer uniquement avec une pensée très ancienne. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que le commun comme principe politique, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. C'est sans doute une idée neuve, pour paraphraser une vieille formule de Saint-Just, à propos du bonheur, mais ça n'est pas une idée complètement nouvelle. Et neuve et nouvelle, ça n'est pas du tout la même chose. Neuf, ça veut dire que ça n'a pas encore été expérimenté socialement et politiquement à une grande échelle dans notre monde. Mais ce n'est pas totalement nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est réactivé dans des conditions qui, elles, sont nouvelles, et à partir d'expériences qui, elles, sont nouvelles. Ce que je veux dire, par exemple, si on prend le mouvement des indignés en Espagne, avec toutes les limites qu'il peut avoir et sur lesquelles on pourra en revenir, c'est que l'exigence d'une démocratie réelle, alors je reprends l'expression qui a souvent été utilisée dans ces mouvements-là d'occupation des places, l'exigence d'une démocratie réelle s'est faite jour, à travers donc les références souvent un peu peut-être mythifiées à la Commune de Paris, mais l'exigence d'une démocratie réelle, c'est l'exigence d'une démocratie qui ne soit pas réduite à la représentation, au mécanisme de la représentation, donc une démocratie qui serait fondée sur la coparticipation, une démocratie qui procéderait de la coparticipation et de la coactivité. En ce sens-là, nous n'avons rien inventé. Donc ce que nous appelons le commun, comme principe politique, c'est justement le principe qui veut qu'il n'y ait, je parle de l'obligation politique, je ne parle pas de l'obligation morale, je ne parle pas de l'obligation sociale, je parle de l'obligation politique. Il n'y a d'obligation politique que sur la base de la coactivité et de la coparticipation. C'est ça la thèse de fond du livre, ce pourquoi finalement le titre s'explique ensuite assez facilement par lui-même, c'est que nous avons mis commun, nous n'avons même pas voulu mettre le commun, nous avons supprimé purement et simplement l'article défini, pour que le lecteur entende tout de suite ce qu'il y avait, pour nous en tout cas, de très fort dans le fait de dire comme ça « commun ». Voilà. Commun, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est d'abord un principe. Donc le principe qui veut qu'il n'y ait de co-obligation que fondée sur la coparticipation ou la coactivité. Voilà. Ça, c'est un principe assez fondamental qui nous a paru extrêmement important et à partir duquel nous avons cherché justement à revenir sur certaines questions et notamment sur la façon dont une certaine économie qui s'appuyait sans s'en rendre compte sur une tradition juridique elle-même très ancienne avait essayé de refonder la classification des biens. Alors, il y a des références notamment à ce qu'a fait Ostrom dans le champ de l'économie, puisqu'elle a elle-même procédé justement au début des années 80, donc à l'époque de Reagan et Thatcher, justement à cette refonte de la classification des biens, en croisant un certain nombre de critères, donc ça donne une critériologie qui inquiète un petit peu la critériologie traditionnelle, mais ça reste néanmoins une façon de classifier les biens en fonction de leur propriété intrinsèque, hein, donc avec biens publics, biens communs et puis les biens privés. Et donc ce qui nous intéressait, c'est de re-questionner toutes ces classifications à la lumière de ce que nous appelons nous-mêmes le principe du commun comme principe politique. Quand on dit principe politique, ce n'est pas un principe politique parmi d'autres, c'est pour nous le principe qui est le principe fondateur de la politique comme activité. Comme activité, je dis bien comme activité consciente de citoyen, je ne parle pas de la politique en un sens peut-être plus large, mais là je parle vraiment de l'activité politique comprise dans son sens, enfin stricto sensu, quoi, de la politique comme participation à la délibération de la chose publique, à la détermination de ce qui est juste, enfin, je prends vraiment la politique dans ce sens-là. Donc, il arrive d'ailleurs souvent à la politique, à l'ère néolibérale, de se présenter sous une forme déniée. Alors, et c'est pas la même chose, en effet, vous avez tout à fait raison, que la dépolitisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est assez fréquent, par exemple, qu'on entende des gens valoriser une politique qui serait fondée, comme la médecine, sur l'évidence, enfin, des preuves. Hein, puisque vous avez une formule donc anglaise dont certains savent que... Elle a eu une certaine fortune auprès de certains ministres élaborant des plans de santé mentale ou des plans autisme, par exemple. Mais c'est une formule qui vient directement du Canada et du monde anglo-saxon, qui a été généralisée par certains à la politique elle-même. C'est-à-dire qu'ils parlent de evidence-based policy, donc directement de politique fondée sur les données probantes. Et parfois, certains mordent le trait et n'hésitent pas à dire fondée sur des preuves. Comme si finalement entre evidence et proof il n'y avait absolument aucune différence, ils enjambaient ça allègrement. Bon. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre que effectivement c'est beaucoup plus compliqué que la simple description d'une grande entreprise de dépolitisation à différencier, comme ça. Bon, ça me paraît en effet assez critiquable. Donc voilà, je commence déjà par dire il y a ce que nous appelons le principe du commun, l'articulation entre le commun et la commune comme commun politique de base, voilà, on va dire ça, la commune comme commun politique de base, c'est-à-dire comme commun local. Et puis d'autre part, les communs au pluriel, qui peuvent être des choses d'extrêmement diverses du point de vue de leur nature, ça peut être un fleuve, ça peut être une place dans une ville, ça peut être des semences paysannes traditionnelles, ça peut être l'eau, ça peut être comme ça a été le cas dans un certain nombre de conflits importants, depuis notamment 2003 avec la Bolivie et le mouvement de Cochabamba. Mais tout cela peut être revu, me semble-t-il, dans le détail à partir du moment où on s'entend justement sur la signification du pluriel, sur la signification du singulier, sur la signification de la référence à la commune. Bon, voilà. Alors ce que je voudrais dire, pour structurer un petit peu d'emblée l'exposé, c'est que, en fait, avec Christian, nous nous sommes intéressés à la question de ce que l'on pourrait appeler le droit du commun. Et notre thèse, c'est que le droit du commun constitue un nouveau droit d'usage, ou plutôt, d'ailleurs, faudrait-il dire, un droit d'usage d'un type nouveau. Alors, cette idée-là me paraît très importante. Vous avez fait référence, de façon tout à fait judicieuse, me semble-t-il, à la deuxième proposition politique. Puisque dans l'architecture du livre, il y a trois parties, et il y a notamment une dernière partie où il est question de 9 propositions politiques. Et la première proposition politique est bien sûr la première, parce que si on ne commence pas par dire il faut une politique du commun, à ce moment-là, le reste n'a strictement aucun sens. Mais la deuxième proposition politique, c'est précisément le fait de tourner le droit d'usage contre le droit de propriété. Or, cette seconde proposition politique est pour nous absolument décisive. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que nous envisageons ce que nous appelons le droit du commun. Donc la promotion d'un nouveau type de droit qui serait le droit du commun. Mais quand nous disons droit d'usage, il faut s'entendre sur la signification de la notion d'usage. Donc ce que je ferai, dans un premier temps, c'est précisément d'expliquer en quoi la notion d'usage, telle que nous l'entendons, se différencie de la notion d'usage telle qu'elle pouvait avoir cours dans d'autres acceptions, dans d'autres périodes, dans d'autres moments historiques qui ont eu leur importance, mais jusqu'au XIXe siècle, mais qui ne semblent pas devoir être purement et simplement, pas mériter en tout cas d'être transposées purement et simplement aujourd'hui. Donc ce qui veut dire qu'il faut réfléchir à un nouveau sens de l'usage. Et c'est important parce que ça permettra d'introduire un autre point qui est la question de la pratique permettant de produire ou de coproduire les règles de l'usage ainsi entendues. C'est ce que nous appelons avec Christian dans le chapitre 10 de l'ouvrage la praxis instituante. Et puis enfin, dernier point, j'aborderai la question de la relation entre le point de vue de ce qu'on pourrait appeler l'usager, en un sens vraiment tout à fait nouveau et différent de celui qu'on est habitué à entendre aujourd'hui, parce que l'usager est le consommateur, purement et simplement, et le point de vue de l'usager est la démocratie politique. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez important qui montre justement la fécondité qu'il y a à repenser à nouveau frais la question de l'usage. Voilà. Donc, le programme, j'essaierai de le remplir aussi vite que je pourrais, mais je prends donc le deuxième point, c'est-à-dire, parce que j'ai présenté très rapidement le premier point, c'est-à-dire le commun comme principe politique dans son articulation avec les communs au pluriel et avec la commune comme forme de gouvernement local, mais de toute façon, j'y reviendrai après. Et donc, je commence directement par la question du droit d'usage. Alors, la question du droit d'usage est aujourd'hui une question, donc ça n'est pas de notre fait, ça n'est pas du tout de notre fait, c'est pas parce que nous accordons dans la deuxième proposition politique une importance tout à fait cruciale à cette question du droit d'usage que la question en tout cas de l'usage ne revient pas en force. Elle revient en force aujourd'hui, par différents biais, y compris sur le champ qui est celui de la philosophie la plus abstraite, parfois la plus érudite et la plus académique, ou même si elle se présente sous une forme anti-académique. Donc, comme je vais donner des noms, je vais commencer tout de suite par le sens qui est, disons, le plus fréquent de l'usage, l'action, tout simplement, de se servir des choses matérielles pour satisfaire un certain nombre de besoins vitaux. Voilà, je commence donc par la notion d'usage, qui est la notion la plus ancienne. L'idée que l'usage consiste d'abord et avant tout dans l'action de se servir d'un certain nombre de choses, compte tenu de leurs propriétés matérielles ou physiques, pour satisfaire des besoins qui sont considérés comme vitaux. Alors, cette notion de l'usage, je ne parle même pas de droit d'usage. Je parlerai en second lieu du droit d'usage et de l'acception ancienne ou traditionnelle du droit d'usage collectif. Et puis, je tâcherai ensuite d'expliquer en quoi consiste l'acception nouvelle dans laquelle il convient de prendre la notion d'usage pour notre part, donc Christian et moi. Alors, je commence d'abord par la notion d'usage prise dans son acception donc la plus littérale, l'action d'user une chose matérielle en vue de satisfaire un certain nombre de besoins. Il y a une controverse à laquelle il ne faut pas revenir, comme si bon, on pouvait reprendre tel quel les termes de cette controverse aujourd'hui, mais il y a une controverse, disons, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, qui a donné lieu à un ouvrage de Giorgio Agamben, qui s'appelle « De la très haute pauvreté », dans lequel il est amené justement à reprendre cette querelle entre les franciscains et l'Église, dirigée par le pape Jean XXII à l'époque, donc une querelle qui s'étend comme ça sur plusieurs années, plus de 25 ans, et querelle qui oppose donc les théoriciens de l'ordre franciscain aux représentants de l'Église et en particulier au pape. Et cette querelle porte sur la question de l'usage. Et ce que fait Agamben, c'est qu'il s'appuie sur un théoricien qui était en effet un grand philosophe de l'époque, du XIVe siècle, qui n'est autre que Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, qui est un esprit assez fin, assez aiguisé, et qui répond, pour les franciscains, au pape Jean XXII, en lui disant « Attention, le terme d'usage comporte plusieurs significations. Il faut donc distinguer, il commence par distinguer l'usage et la jouissance, bon, ça c'est une acception théologique qui n'est pas d'une très grande utilité pour nous, et puis il dit « Il y a l'usage comme habitude, l'usage comme coutume, on dit des us et coutumes. Il y a l'usage au sens du droit d'usage, c'est-à-dire le droit d'user d'une chose qui appartient à autrui. Et puis, il y a finalement l'usage de fait, ce qu'il appelle l'usage de fait, qui n'est pas un droit. Et comme il est porte-parole des franciscains, il dit les franciscains revendiquent le simple usage de fait. Simplex usus facti. Il présente ça comme ça. C'est un petit texte qui est assez nerveux. Bien fait, qui est destiné donc à présenter la cause des franciscains. Donc on ne revendique pas de droit. Ce qui est intéressant, c'est que Agamben réactualise ce point de vue aujourd'hui, mais justement pour présenter l'usage comme étant la seule manière qu'aurait l'humanité d'entretenir un rapport au monde qui ne serait pas un rapport d'appropriation. Donc il présente la nécessité de revenir à l'usage comme simple usage de fait extérieur à la sphère du droit. Alors, de ce point de vue-là, notre position est totalement différente, puisque, au contraire, nous estimons qu'il est nécessaire de promouvoir un nouveau droit d'usage. Donc, nous ne pensons pas que l'usage doit être réduit à un usage de fait qui serait extérieur à la sphère du droit. Nous pensons, au contraire, que le droit d'usage demande à être affirmé comme droit contre le droit de propriété, dans la mesure où le droit de propriété a toujours conservé, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un caractère exclusif et absolu qui mérite d'être inquiété pour le moins. Hein, je dis les choses de manière relativement, comment dirais-je, minimal, que l'enjeu apparaisse. Donc, ça, c'est une première position donc, qui consiste à dire, souvent en empruntant d'ailleurs des exemples à la vie animale, que le cheval se sert de l'avoine lorsqu'il la mange, bon, et c'est un simple usage de fait. Les franciscains, par conséquent, pratiqueraient un simple usage de fait qui serait complètement extérieur au droit. Ils ne demanderaient pas donc à voir leur droit d'user de ces choses-là reconnu par l'Église, alors que l'Église, elle, cherche à établir, entre les franciscains et elle, une sorte de modus vivendi. Grosso modo, vous usez des choses, mais ces choses nous appartiennent. Donc elles sont la propriété de l'Église, et vous, vous décidez d'en user, mais c'est parce qu'on vous donne licence d'en user. Alors, les franciscains refusent ça et disent, mais non, nous on ne revendique pas un droit, on se situe sur le terrain du simple usage de fait. Quoi. J'ai tendance à considérer que c'est une action qui est... Enfin, c'est une position qui est difficile à tenir, parce que la définition de l'usage comme action de se servir des choses extérieures en vue de satisfaire des besoins vitaux, c'est une définition de l'usage qui ne rompt pas du tout avec la logique de la consommation. Bien au contraire, c'est une notion de l'usage qui conserve finalement cette idée que lorsque l'usage va jusqu'à son terme, il aboutit à la destruction-consommation de la chose. Bon, c'est le cas de l'avoine pour le cheval, mais c'est le cas aussi du pain pour les franciscains, ou de leurs vêtements, même si l'usure est plus longue. Bon, il y a donc dans l'usage l'idée que finalement, l'usage use. Donc il y a un processus de dégradation, il y a un processus d'amoindrissement, il y a un processus qui, à la longue, est un processus de destruction. Dans le droit romain, on parlait d'abusus, pour signifier justement, non pas simplement l'abus au sens où on l'entend aujourd'hui, mais la destruction dans la consommation. Donc ça c'est une première position, qui est celle d'Agamben, et que je ne retiens pas, pour des raisons qui tiennent à la présentation de la thèse que nous soutenons avec Christian. Il y a une deuxième position qui est plus intéressante, à mon avis, à considérer, qui est la position selon laquelle, finalement, l'émergence de la question du commun sur le terrain du droit aujourd'hui renouerait avec le droit d'usage collectif tel qu'il a été pratiqué en Europe occidentale, notamment avant le XVe, XVIe siècle, puisque vous savez que si vous prenez par exemple l'histoire de l'Angleterre, vous avez quelque chose qui se produit à peu près à cette charnière, comme ça, XVe, XVIe, qui va demander plusieurs siècles avant de se conclure, le XVIIIe et même le début du XIXe, puisque au début du XIXe, en Angleterre, il y avait encore ce qu'on appelait des commons, c'est-à-dire des terres qui étaient communes, des communs, voilà, des communs arables ou des communs cultivables ou des communs sur lesquels, par exemple, les paysans pauvres amenaient leurs bêtes pour le droit de veine pâture, ce qu'on appelait en France le droit de veine pâture. Donc le droit de glaner, hein, le droit de glanage, tout ça, bon, c'est des traditions qui sont très importantes, dont Weber parle d'ailleurs dans la sociologie du droit lorsqu'il est question de la coutume, du rapport entre la coutume et le droit. Il y a quelque chose d'intéressant dans la mesure où ça met en évidence peut-être la productivité juridique des pratiques collectives. voilà, qui sont transmises donc de façon plus ou moins inconsciente d'une génération à l'autre, parce que ça, il faut voir que ça se passe sur une histoire très longue, c'est-à-dire vraiment pluriséculaire. Enfin, c'est quelque chose d'assez important, avec des chevauchements, comme la logique médiévale n'est pas du tout la logique de la propriété privée absolue, avec des chevauchements qui sont assez difficiles parfois à discerner. C'est-à-dire que je prenais par exemple ce qu'on appelle la question des communaux, voilà, ce que les historiens appellent les communaux en France, dans l'histoire des campagnes françaises. Vous avez des chevauchements qui sont parfois assez difficiles à démêler, parce que vous avez parfois des communautés d'habitants, localement, qui ont une propriété en tant que communauté sur des terres, mais vous avez parfois des paysans qui ne sont pas du tout propriétaires, mais qui ont un usage collectif sur des terres qui appartiennent à un seigneur à titre privé. Bon. Mais comme là, justement, la frontière entre le privé et ce qui est, relève de l'usage collectif n'est pas très délimitée, elle n'est pas très très nette, là, vous avez justement des querelles ou des conflits qui apparaissent à intervalles réguliers. Alors il y a quelqu'un qui a analysé d'une façon assez remarquable un conflit qui a eu lieu en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Vous vous rendez compte, donc c'est pas du tout, c'est pas Thomas More et le XVIe avec les moutons qui envahissent toutes les terres communales, c'est comme ça que ça s'est passé en Angleterre. Mais là, il s'agit de quelque chose qui se passe en 1723. Vous avez un historien, Exact Thomson, voilà, exact, la guerre des forêts. Bon, le titre anglais, je crois, c'est les Whigs and Hunters, donc voilà, les chasseurs et les Whigs. Et c'est quelque chose qui se passe donc au début du XVIIIe, et c'est très intéressant sur ce qu'était la réalité du droit coutumier, ce qu'on appelle le droit coutumier, c'est-à-dire l'usage collectif, le droit coutumier comme droit d'usage collectif. Bon, et je dis bien droit d'usage collectif, c'est-à-dire le fait que, par exemple, les habitants de forêt pouvaient utiliser les ressources de la forêt. Il y avait toute une économie forestière sous-jacente, que Thomson analyse très bien, et qui fonctionnait plus ou moins bien, mais jusqu'à ce que les Whigs, justement, s'avisent du fait que c'était dommage que des grandes étendues de forêt échappent comme ça à l'empire de la propriété privée absolue, avec des théorisations qui sont celles de Blackstone à l'époque, etc. Ça devient de plus en plus prégnant, de plus en plus insistant. Et le XVIIIe est en effet un siècle où s'affirme de façon extrêmement brutale cette législation sur la propriété privée comme propriété absolue et exclusive. Donc ça conduit à un conflit assez violent. Alors Black Act, le Black Act, c'est parce que c'était des gens qui chassaient le daim ou le cerf et qui se teignaient le visage, enfin, qui faisaient en sorte justement que leur visage soit complètement noirci pour ne pas être identifié notamment, mais en plus parce que leur chasse se faisait fréquemment la nuit. Donc c'était les daims, les cerfs, les animaux nobles qui normalement devaient être réservés à la chasse des aristocrates. C'était ces animaux-là qui étaient donc directement visés. Et donc, il y a une législation extrêmement sévère. Il y a quelque chose comme 50 nouvelles peines capitales qui sont introduites par le Black Act en 1723. Donc, c'est pour vous donner une idée de la conflictualité extrêmement brutale entre des gens qui s'appuient sur les anciens droits d'usage collectif hérités de la coutume et puis des gens qui disent « bon, maintenant, il faut en finir avec ça, c'est plus tolérable, il faut affirmer justement le caractère absolu et exclusif de la propriété privée avec des cas qui sont plus ou moins difficiles à démêler, avec des tribunaux, en plus à l'époque en Angleterre vous avez des tribunaux de droit, les tribunaux de la common law, donc des tribunaux de droit commun, pas au sens français du terme, donc qui sont amenés à statuer sur des conflits à partir de la logique qui est celle de la coutume. Et comme la coutume c'est la lex loci, c'est-à-dire la loi du lieu, vous imaginez qu'il y a des coutumes qui sont extrêmement diverses en fonction des lieux, et ça ne rend pas les choses et les arbitrages extrêmement simples. Mais voilà, c'est pour prendre en compte le fait que droit d'usage, ça a d'abord et avant tout signifié cela, pendant toute une période de l'histoire de l'Occident, et pas une petite période, une histoire vraiment assez grande et assez longue, et je crois que c'est d'autant plus important à considérer que souvent, dans les mouvements altermondialistes à la fin des années 90, les gens qui se sont revendiqués des communs avaient tendance à faire spontanément le lien avec les communs des paysans qui avaient été expropriés au nom de la logique de la propriété au 15e, 16e, 17e siècle. Alors il nous paraît avec Christian que c'est une analogie qui a ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses en effet qui peuvent être pensées du point de vue des rapports entre le droit du commun qui tend à s'affirmer aujourd'hui et puis d'autre part ce droit d'usage collectif ou ces droits d'usage collectif, mais il y a en même temps des limites qui nous semblent assez difficiles à dépasser. En fait, Il y a plusieurs, mais il y en a une qui me paraît très importante, c'est que ces droits-là, ces droits coutumiers des pauvres, comme les appelait Marx en 1842 dans son article sur le vol des bois, ces droits-là donc sont des droits qui sont transmis de façon inconsciente. Voilà, vous avez une... personne ne songe d'ailleurs à remettre en cause la propriété privée dont jouissent les grands seigneurs. La question n'est pas là. La question, c'est plutôt que les grands seigneurs et les propriétaires, les nouveaux lords propriétaires, se font très mal à l'idée de la persistance des vieux droits coutumiers. Donc ils les remettent brutalement en cause, et c'est ça qui suscite, par contre-coup, des réactions, parfois extrêmement violentes. Donc voilà, droit d'usage collectif, c'était un droit qui relevait largement de la transmission plus ou moins inconsciente des anciennes coutumes. Voilà. Et puis donc, j'en viens à la notion d'usage telle que nous tâchons justement de l'élaborer et de la penser avec Christian, qui est donc un droit d'usage d'un type nouveau. Alors pourquoi ? Lorsque on s'interroge sur ce qu'il y a de commun dans les deux acceptions du mot « usage » que je viens d'évoquer, finalement on a toujours l'idée que l'usage, c'est d'abord et avant tout l'action de se servir d'une chose extérieure pour satisfaire des besoins vitaux. Donc même si on parle d'usage, de droit d'usage collectif, hein, produit par coutume, on reste encore à l'intérieur de ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on prend toujours l'acception qui est celle de l'action de se servir des choses extérieures en vue de la consommation. Or, il nous paraît qu'il est nécessaire de repenser justement cette logique de l'usage et de subordonner l'usage comme consommation à l'usage comme garde, comme entretien, comme préservation. Et la signification qui nous paraît justement la plus importante à faire valoir aujourd'hui, c'est la signification de l'usage comme garde, comme entretien et comme préservation, comme soin apporté à une chose ou à un ensemble de choses. Et c'est d'autant plus important que finalement, quand on examine les possibilités que donne par exemple la langue française, on peut dire bien sûr user d'une chose extérieure, on peut parfois dire user de telle ou telle personne, à ce moment-là en général c'est quand même quelque chose qui tient du rapport à ce mental, d'une manière plus ou moins affirmée, mais on peut également dire en user avec. Et quand en français on dit en user avec, à ce moment-là il s'agit d'une certaine façon d'agir ou de se conduire, qui implique un rapport avec les autres, et qui n'est pas, normalement, qui ne doit être pas pensé sur, rabattu en tout cas, sur la logique d'un rapport purement instrumental. Or, il y a là quelque chose d'assez important pour réfléchir à l'élaboration d'un nouveau sens de la notion d'usage. Parce que, en user avec, ça veut dire en user avec les autres, donc avec les autres hommes, de telle manière que on fasse prévaloir, en effet, une certaine finalité. Or, la notion d'usage que nous voulons promouvoir ou défendre, c'est précisément une notion qui implique que, entre les hommes qui font partie d'un même collectif, il y ait un processus de délibération, un processus de décision, un processus de mise en œuvre et d'application qui implique justement que des règles de l'usage soient produites, règles de l'usage qui ont pour fin de maintenir, de préserver, de conserver, pas d'anéantir en consommant le plus rapidement possible ou à une plus grande échelle. Et ça vaut pour des choses extrêmement diverses à cet égard. Je dis bien, ça vaut pour des choses extrêmement diverses. Alors je prendrai un exemple, je passerai comme ça directement au point suivant, c'est-à-dire à ce que nous appelons la praxis instituante, et j'essaierai de l'illustrer à partir d'un cas qui est celui de la gestion municipale de l'eau dans certaines villes en Italie, et en particulier la gestion de l'eau telle qu'elle s'est expérimentée dans une ville comme Naples. Alors c'est d'autant plus important que lorsque nous avons rédigé le texte commun, nous avions presque mis la dernière main à l'ouvrage quand nous avons été invités pour la traduction de La Nouvelle Raison du Monde en italien. Et lorsque nous sommes arrivés à Rome, nous avons été mis en contact avec un certain nombre d'acteurs des mouvements sociaux, et en particulier avec des juristes. Parce qu'il y a une singularité italienne à cet égard, dont j'aimerais bien qu'elle puisse s'expérimenter en France, qui est une alliance assez remarquable entre les juristes et les acteurs des mouvements sociaux. Et en particulier sur cette question de l'eau, dans la mesure où ce qui s'est passé, ça c'est assez propre à l'Italie, vous avez eu en juin 2011, donc c'était à l'époque de Berlusconi encore, un référendum avec 27 millions d'Italiens qui ont voté contre la privatisation de l'eau. Et ils ont voté à ce moment-là pour que l'eau soit déclarée bien commun. Parce que les juristes de la commission Rodotà, en 2007-2008, avaient jugé préférable pour faire passer la pilule de dire bien commun plutôt que commun, mais il n'y a pas de controverse sérieuse entre nous sur la question de savoir s'il faut dire bien ou pas. Bon, parce que la question est de savoir quel est le contenu qu'on met derrière. Donc il y avait une élaboration juridique assez poussée. Et puis en 2011, il y a eu ce vote qui a donc créé un précédent sur le plan, y compris constitutionnel, c'est-à-dire au plus haut niveau, et qui a été tel que certaines municipalités ont décidé tout de suite de passer à l'acte. Et en particulier, ça a été le cas de la municipalité de Naples. Ça a été le cas sur l'eau d'abord, et ensuite ça a été le cas sur le logement, où ils ont produit un certain nombre d'arrêtés municipaux sur l'utilisation des logements vacants, laissés inoccupés, etc., pour pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins sociaux. Mais la question de l'eau mérite d'être considérée avec beaucoup d'attention, parce que le processus à cet égard est très différent de celui qui a pu être initié à Paris. Et je n'en veux absolument pas du tout, au contraire, à Neustadt, mais ça s'est fait dans des conditions qui sont totalement différentes, où on a privilégié d'un certain point de vue l'expertise. Alors, ce qui me paraît remarquable, c'est qu'en Italie, à Naples, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. D'emblée, le souci, ça a été de traduire dans une structure de démocratie participative la décision constituante prise par 27 millions d'Italiens. C'est-à-dire de déclarer que dorénavant, l'eau à Naples était un bien commun, donc un commun, et de mettre en place une structure dans laquelle il y avait des représentants des associations de défense de l'environnement, des associations des syndicats de travailleurs, des experts, des conseillers municipaux, des simples citoyens, des usagers, alors là au sens le plus traditionnel du terme, et structure participative qui est assez intéressante dans la mesure où elle a inévitablement posé la question qui nous intéresse beaucoup, Christian et moi, de savoir quel type de coordination on peut envisager entre des structures de ce type-là. Et bien là, la réponse a été apportée assez vite, puisque en 2013, donc, il y a eu un projet, alors je ne sais pas exactement où ça en est, on doit retourner bientôt pour la traduction de commun justement à Rome, et là j'espère qu'on en saura un peu plus, mais il y a un projet de mise en place d'une structure fédérative. Alors, ils ont appelé ça Feder Commons, parce qu'il y a en face une association qui s'appelle Feder Utility, qui est l'association, enfin, en fait c'est des noms qui ne s'inventent pas, parce que des gens voient tout de suite la logique avec les noms des structures. Donc c'est une structure Feder Commons qui prétend être justement une forme de fédération entre 400 structures municipales de gestion de l'eau, destinées à soustraire bien sûr celle-ci à toute possibilité de privatisation, mais surtout destinées à mettre en place un régime juridique différent de celui du public étatique. C'est un peu comme si, c'est les Italiens d'ailleurs qui nous l'ont un petit peu soufflé à cet égard, comme si le commun était défini par eux comme étant du public non étatique. Enfin, comme si finalement on pouvait s'entendre sur cette définition du commun. Et ce qui est remarquable, c'est que donc la question de la coordination entre des communs, sur une même question qui est celle de la gestion municipale de l'eau, se trouvait assez rapidement et directement posé en termes de fédération. Bon, il nous semble que dans l'exemple italien, c'est quelque chose qui est riche d'enseignements et très très intéressant, parce que ça peut aussi recouper très directement la question de savoir quelle sorte d'alternative suggérer ou tâcher de mettre en place dans ce qu'on appelle les services publics. Et il ne s'agit pas, surtout pas de dire les services publics, ça ne nous intéresse pas, parce que le public et de toute façon le privé, c'est devenu la même chose. Enfin, ça serait une présentation qui ferait fi justement des véritables enjeux de la lutte politique actuelle. Mais il s'agit de penser une nouvelle économie politique, pas économie au sens économiste, hein, mais une nouvelle économie politique des services publics, hein, si on peut dire ça comme ça, qui procéderait de la logique qui serait celle du commun. Voilà. Donc l'expérience italienne à cet égard nous paraît extrêmement importante. Il y a des expériences, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui ne sont pas nécessairement aussi heureuses. En particulier, il y a une expérience qui nous a beaucoup marqué, qui est celle du Théâtre Valle à Rome, qui a été occupée pendant 3 ans à peu près. Et c'est une expérience qui s'est conclue de façon assez malheureuse, puisque l'État a fait le forcing en menaçant tout simplement d'envoyer les policiers occupés, réoccuper le Théâtre Valle. Et donc, il y avait une structure qui était une structure assez, bon, assez curieuse. Bon, en deux mots, simplement, vous aviez une fondation juridique. En Italie, vous pouvez déclarer au notaire une fondation et elle est enregistrée. Elle est enregistrée sur le plan du droit. Mais une fondation juridique qui s'appelait Théâtre Valle Bene Comune. Donc, assez particulier comme fondation juridique. Et ça s'est heurté. Donc, c'était une structure qui était administrée pas simplement par les acteurs de la troupe du théâtre, pas simplement par les administrateurs du théâtre, mais également par des citoyens. Donc c'était une structure relativement large. Et puis, lorsque l'État a fait pression et a mis les acteurs, les administratifs devant leurs responsabilités en disant bah, « c'est très simple, maintenant, ou céder ou bien on envoie les flics », à ce moment-là, ils ont essayé de négocier en essayant de sauver ce qui pouvait l'être. Ils ont tendu à privilégier le commun qu'on pourrait appeler presque professionnel, c'est-à-dire le commun des acteurs et des administrateurs du théâtre. Et en coupant comme ça le lien avec un commun qui était beaucoup plus large, qui englobait les citoyens, qui venaient par exemple participer, assister aux représentations hein, qui étaient données presque chaque soir, ils se sont affaiblis eux-mêmes, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient eux-mêmes assis. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que l'État a obtenu leur accord, ils s'est empressé de fermer le théâtre. Donc en disant ben, le théâtre ouvrira peut-être, mais dans 3 ou 4 ans, parce que le problème, c'est que maintenant, il faut trouver des financements privés. Donc en fait, ils ont tout perdu. Donc il n'y a pas que des expériences. Je présente une expérience qui est assez importante et très prometteuse. Il ne faut pas négliger aussi des expériences, et ça s'inscrit aussi dans la mémoire de ceux qui agissent, qui se concluent assez malheureusement, y compris par les défaites. Hein. Surtout pas à cet égard idéaliser les possibilités. Donc c'est plutôt, souvent, ça tient de la guérilla politique et juridique, il faut le savoir. Bon. Mais c'est assez intéressant, parce que ça ouvre des perspectives, me semble-t-il, assez inédites. Alors, pour en revenir justement à la notion de praxis instituante, il me paraît que ce qui s'expérimente, par exemple, à Naples, dans d'autres lieux, hein, pas que Naples, ni que l'Italie, mais ce qui s'expérimente, c'est ce que nous appelons la praxis instituante. Alors qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est vrai que nous avons accordé une certaine place à l'élaboration de cette notion dans le chapitre 10, donc c'est le chapitre qui conclut la deuxième partie de l'ouvrage, juste avant les propositions politiques. Ce qui veut dire que toutes les propositions politiques, les 9, doivent être reliées au concept de praxis instituante pour être comprises. Alors c'est une notion en fait que nous avons élaborée à partir de sources et d'inspirations extrêmement diverses. Mila donc pourrait en parler. Bon, il y a l'espèce de, comment on pourrait appeler ça, de compagnonnage intellectuel que j'ai noué pour ma part avec un certain nombre de gens qui sont des psychiatres et des psychanalystes depuis l'apparition de la nouvelle raison du monde et qui nous a beaucoup beaucoup aidé à élaborer cette notion là puisque c'est à l'occasion d'un collectif, d'un colloque à Reims, voilà, que l'idée m'est venue de dire comme ça praxis instituante, sans d'ailleurs élaborer dans un premier temps le concept, mais quand on a élaboré le texte de commun avec Christian, on s'est appuyé sur ces précédents-là, sur ces sources d'inspiration extrêmement différentes. Donc, bon, c'est difficile parce que c'est des choses qu'on ne dit pas nécessairement à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose comme un creuset dans lequel un certain nombre de rencontres et d'expériences sont venues se fondre. Et ce que je voudrais ici, c'est mettre en évidence finalement les sources un peu théoriques. Et les sources théoriques, il me paraît qu'il y en a deux pour l'essentiel. Il y a premièrement Castoriadis, pour des raisons qui vont apparaître assez clairement et évidemment. Et il y a deuxièmement Marx, qui était lui-même une source de Castoriadis. Donc bon, ça permet de présenter un peu les choses de manière directe et rapide. La première source est importante, pourquoi? Parce qu'il nous est apparu, dans le chapitre 10, il me semble que ça apparaît assez évidemment pour nous, que Castoriadis était celui qui avait pris un peu le contre-pied d'une certaine pente dans une certaine tradition sociologique, je ne dis pas toute la sociologie, mais je dis une certaine tradition sociologique, qui consiste à privilégier l'institué aux dépens de l'institution. L'institué participe passé aux dépens de l'institution comme acte, parce qu'en français, et dans d'autres langues d'ailleurs, il y a la possibilité de penser derrière le terme d'institution, derrière le substantif d'institution, non pas simplement un appareil de pouvoir, mais l'acte même d'instituer. Et nous avons donc considéré qu'il était important de redonner un sens à cette idée de l'institution comme acte, voilà, qui était un peu délaissée, qui était un peu le parent pauvre d'une certaine sociologie, et d'ailleurs aussi d'une certaine philosophie. Et à cet égard, il n'y a pas de concurrence entre les deux disciplines, et ça nous est en fait complètement étranger. Je vais faire la parenthèse pour... Mais je crois que c'est assez important parce que praxis instituante, vous voyez bien qu'il y a ces deux termes-là, et il y a l'idée par conséquent que la praxis instituante, c'est une praxis qui consiste à instituer, qui consiste en une activité d'institution. Et la question donc pour nous était de savoir ce qu'il fallait entendre par institution. Alors évidemment, la première source d'inspiration, c'est-à-dire celle de Castoriadis, est très importante parce qu'il y a chez Castoriadis une insistance sur le fait que la société est le produit de ce qu'il appelle l'imaginaire instituant. La difficulté, c'est que chez Castoriadis, il y a à la fois ça et en même temps l'idée de praxis prise dans un sens tout à fait particulier. Et il y a un hiatus entre ce qu'il dit de la société, qui est l'œuvre de l'imaginaire instituant, ou de l'imaginaire social, comme il le dit, et puis d'autre part la praxis. Il prend la praxis en un sens tout à fait particulier. Il prend la praxis en un sens éminemment positif. La praxis n'est pas du tout neutre. La création du social historique, chez Castoriadis, en revanche, est neutre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être aussi bien investi par le surgissement du nazisme et du fascisme que par quelque chose qui ressemblerait à une forme nouvelle de démocratie politique. Donc c'est neutre. Il dit, voilà, à chaque étape de l'histoire, le social est justement créé par de l'imaginaire instituant. Cet imaginaire instituant, c'est une œuvre collective et anonyme. Il insiste beaucoup là-dessus. Un collectif impersonnel et anonyme. Ça n'est l'œuvre de personne. Et avec un jeu de mots comme ça, ça n'est l'œuvre de personne ou c'est l'œuvre de personne. Il reprend le outis grec qui signifie que c'est l'œuvre de personne au sens de pas quelqu'un, hein, au sens de ce que répond Ulysse au Cyclope. Et ce qui est intéressant, justement, c'est l'espèce de hiatus. Parce que, d'un côté, quand il parle de la praxis, alors là, au contraire, il est hyper valorisant. Et la praxis, c'est une activité qui vise consciemment l'autonomie. Donc la praxis, par exemple, c'est ce qui vaut dans des activités, ce que Freud, par exemple, appelait trois métiers impossibles, c'est-à-dire la politique, l'éducation et la psychanalyse. Voilà. Il dit, voilà, ça, c'est effectivement la praxis. Donc là, vous avez une activité consciente qui vise un idéal d'autonomie, tandis que finalement, l'imaginaire instituant, c'est la création de nouvelles significations telles qu'elles se font dans l'anonymat et la personnalité. Et de l'un à l'autre, justement, il n'y a pas de passage. Le grand problème que nous posait la lecture de Castoriadis, c'est le fait que de l'un à l'autre, justement, il y avait une sorte de rupture. Et que la contribution de l'individu à l'élaboration des significations imaginaires se trouvait difficile à penser. Ça devenait très difficile à penser. Et puis, de l'autre côté, il y avait un héritage qui nous a toujours tenu à cœur, qui est l'héritage de Marx, c'est-à-dire la façon dont Marx essaie de penser le concept de praxis. Alors je parle essentiellement du Marx des thèses sur Feuerbach, et je parle du Marx du 18 Brumaire, donc c'est-à-dire de certains ouvrages politiques ou historiques. Je ne parle pas du Capital ou d'autres textes, hein, parce que il nous apparaît que, notamment dans les thèses sur Feuerbach en 1845, Marx essaie de penser un peu la praxis dans un double registre, et comme s'il saisissait comme ça que toute praxis avait deux côtés. Alors la praxis, je tiens à le dire justement, à la différence de Castoriadis, chez Marx, n'est pas du tout quelque chose qui est en soi positivement valorisé. Là aussi, c'est quelque chose, c'est presque toute proportion gardée ce qu'est la création du social historique pour Castoriadis. C'est quelque chose qui est complètement neutre. La praxis en tant que telle, c'est l'activité humaine en tant qu'elle se fait toujours dans des conditions qui sont déjà données et en tant qu'elle transforme ces conditions et en même temps les acteurs en les produisant comme nouveaux sujets. Il y a l'idée que toute praxis a un double côté. D'un côté, donc, elle hérite de certaines conditions qu'elle n'a pas produites. C'est du donné, c'est quelque chose qui est déjà là. Ce que Gourry appellerait par exemple la sous-jacence. Quelque chose qui est déjà là et qu'il faut faire avec. Et puis, donc, ce qui lui interdit d'être une création absolue, contre Castoriadis. Et puis en même temps, de l'autre côté, cette activité conditionnée parvient à transformer les conditions dont elle part. Et donc, parce que le fait d'agir dans des conditions est en même temps le fait d'agir sur ces conditions. Et donc de ne pas laisser indemne ces conditions, et donc de produire à long terme une transformation de ces conditions dans l'action, dans et par l'action. Et en même temps que cette transformation des conditions se fait, donc une production de nouvelles conditions finalement, vous avez une transformation des acteurs eux-mêmes. Ce qu'on a interprété dans le langage de Foucault en parlant de subjectivation. L'idée que la praxis, c'est quelque chose qui produit des sujets, qui produit ces sujets, voilà. Qui produit, un acteur n'est pas d'emblée un sujet. Pour qu'il devienne un sujet, il faut qu'il soit transformé intérieurement par sa propre pratique, par sa propre action. Et ça, ça nous semblait très important. Et donc nous nous sommes dit que finalement on cherchait à forger ce terme-là, nous nous sommes dit qu'il y avait du côté de Marx de quoi surmonter le hiatus dont j'ai parlé entre les deux aspects de la théorie de l'instituant chez Castoriadis. Voilà. Et c'est pourquoi nous avons pensé la praxis instituante, non pas comme une praxis neutre, mais comme étant d'emblée une praxis émancipatrice. Pour nous, la praxis instituante est une praxis émancipatrice. C'est-à-dire la praxis en tant qu'elle produit dans des conditions données des règles, qui sont donc des règles de l'usage, au sens que j'ai donné à ce terme-là. Et coproduire des règles de l'usage de quelque chose qui est inappropriable, ça implique d'en user avec les autres. d'une certaine manière, qui est d'en user avec de telle sorte. C'est pas tellement de servir d'une chose matérielle pour satisfaire, encore que c'est une dimension non négligeable mais qui doit être subordonnée à la seconde, c'est le fait d'en user avec les autres de manière à entretenir et à préserver et à conserver ce qui est commun, c'est-à-dire ce qui est soustrait à l'appropriation par une décision collective, voilà, ce que nous avons donc appelé praxis instituante. Et ce que nous pensons par là, c'est pas simplement le fait d'instituer, c'est-à-dire de dire par exemple l'eau doit être instituée comme un commun. Mais c'est le fait, comment dirais-je, de perpétuer cet acte d'institution dans la durée. Voilà. Et là, c'est une difficulté, c'est une des grandes difficultés de l'institution comme acte. C'est le fait que l'institution comme acte ne soit pas uniquement ramenée à une sorte de ponctualité. C'est là la ponctualité du commencement. Vous avez toujours le beau commencement avec les promesses, etc. Puis ensuite, et la difficulté, c'est ça. C'est l'idée que, par conséquent, la praxis instituante, c'est la praxis qui établit les règles de l'usage et la praxis qui, en même temps, est amenée à les renouveler et à les transformer continuellement en fonction des besoins de l'entretien du commun. Enfin, c'est ça l'idée de la praxis instituante. Alors, je finirai par le dernier point que je vous avais annoncé, c'est-à-dire la relation entre cette idée de praxis instituante et, d'autre part, la dimension plus directement politique, puisqu'on peut entendre la politique de deux manières. On peut considérer que le commun, c'est un principe politique. On peut considérer que ça vaut pour la sphère publique-publique, comme dirait Kassariadis, c'est-à-dire la sphère spécifiquement politique. On peut considérer aussi que ça doit prévaloir dans la sphère sociale au sens large. C'est d'ailleurs ce que nous pensons avec Christian. Mais là, si je considère la sphère publique-publique, c'est-à-dire la sphère proprement politique, je dirais que c'est en effet quelque chose qui peut permettre de penser à nouveau frais l'exigence de démocratie. Conformément à ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire à ce que j'ai expliqué sur la démocratie, l'exigence de démocratie réelle, de revendication d'une démocratie réelle qui ne soit pas prisonnière d'une logique représentative. Et à cet égard, il y a un texte qui me paraît assez important. Comme Castoriadis, en fait, nous sommes assez fascinés parfois par certaines argumentations d'Aristote. Je parle des politiques d'Aristote, hein, je parle de la politique d'Aristote, et en particulier par un texte qui se trouve dans le livre 3 de la politique d'Aristote, le chapitre 11 du livre 3 de la politique d'Aristote. Et je résume à grand trait l'argumentation. Aristote rencontre une objection qui est celle de son maître, Platon, et l'objection, c'est l'objection qu'on nous resserre assez régulièrement et périodiquement, y compris en régime néolibéral, qui est l'objection de l'expertise, qui est l'objection, l'objection pas simplement de la compétence, l'objection de la spécialisation. C'est l'objection du spécialiste, ou l'objection de l'expert, ou l'objection du technicien. Et l'objection du technicien, vous la trouvez en effet à chaque page chez Platon, il appartient à un médecin d'être jugé, il appartient à des médecins de juger la qualité d'un médecin, il appartient à un pilote de juger de la qualité des pilotes, il appartient à un cordonnier de juger de la qualité des autres cordonniers, etc. Et c'est une objection qui est omniprésente dans les textes de Platon, dans les dialogues de Platon. Et Aristote prend le contre-pied de cette argumentation, et il le fait dans un passage qui est assez remarquable, parce qu'il utilise explicitement et expressément la notion d'usage, et la catégorie d'usage. En faisant valoir, alors il est en train de s'interroger comme ça, à qui doit appartenir la souveraineté. Donc il est en train de balancer comme ça entre plusieurs solutions possibles, et sa réponse dans le chapitre 11, qui est assez remarquable, c'est que la souveraineté doit appartenir à la masse. Alors il dit ça comme ça, la masse, pléthos, le grand nombre, la masse. Bon. Et il justifie le fait que la souveraineté doit appartenir à la masse, contre l'objection platonicienne, qui est l'objection du spécialiste, l'objection du technicien, l'objection, etc. Et il dit que, finalement, lorsqu'il y a une grande masse d'hommes qui est réunie, la masse des incompétents juge mieux que quelques individus qui sont des spécialistes. Et ce qui est assez remarquable dans ce texte, c'est qu'il présente, justement, comme étant au fondement de la démocratie, la primauté du point de vue de l'usager sur le point de vue du technicien. En disant que la démocratie, il ne dit pas ça exactement comme ça, parce qu'il ne considère pas nécessairement que tout régime dans lequel la masse est souveraine est un régime démocratique. Bon, c'est un peu plus compliqué. Mais il considère que la souveraineté doit appartenir à la masse, et il considère que l'objection qui est présentée par les platoniciens et par Platon ne tient pas la route. Parce que, justement, il dit, pour certaines choses, Et ils considèrent que c'est le cas pour la chose politique, pour la chose publique, pour certaines choses. Il n'appartient pas simplement à celui qui a fabriqué ou produit la chose d'en bien juger, mais il appartient souvent à ceux qui en usent d'en juger mieux que ceux qui l'ont fabriqué. Et il prend l'exemple d'une maison. Alors, comme on utilise assez souvent à propos de la sphère publique la métaphore qui est celle de la maison, ça tombe bien. Il prend l'exemple justement de la maison et il dit ceux qui jugent le mieux une maison, ce ne sont pas ceux qui l'ont fabriquée, les architectes, mais ce sont ceux qui en sont les usagers. Ceux qui usent d'une maison sont meilleurs juges de la maison que ceux qui l'ont fabriquée. Et il extrapole ensuite, il établit une analogie entre la souveraineté de la masse sur le plan politique et d'autre part, cette primauté du point de vue de l'usager. En disant, la souveraineté de la masse implique que le point de vue de l'usager soit premier et pas du tout le point de vue du technicien ou le point de vue du spécialiste. Il y a là une réflexion qui me paraît extrêmement importante et profonde, surtout aujourd'hui, hein, on n'arrête pas de nous vanter justement des gouvernements de techniciens ou d'experts qui seraient à cet égard assez neutres. Mais il me paraît que c'est une question importante. Ça ne veut pas dire qu'on doit user du commun politique. Il faut revenir à l'acception nouvelle qu'on essaie de promouvoir, c'est-à-dire à l'idée d'en user avec. Ce qui veut dire que les citoyens sont des usagers dans la mesure où ils en usent les uns avec les autres, et ils en usent avec les gouvernants, qui sont souvent choisis pour leurs compétences. Ils en usent d'une certaine manière, d'une manière telle qu'ils cherchent à tout prix à préserver le commun politique, la communauté politique, de toute atteinte, tentative d'appropriation, pour traduire ça dans le langage de l'autre dans le commun. Et à cet égard, donc, il me paraît que cette idée du citoyen usager qui n'a rien à voir avec le citoyen consommateur est une idée qui est tout à fait propre à renouveler la signification du terme d'usage. Voilà. Donc je crois, pour terminer, que la notion de droit d'usage peut trouver un prolongement direct dans la sphère politique au sens strict à partir du moment où on lui donne cette signification. Voilà. C'est à peu près une... dirait l'autre pour alors, être l'usager pour être dans la situation de l'usager la, que ce souci à maintenir le commun en dehors de toute appropriation. Alors il y a deux choses dans la question. Il y a une première question qui est la valeur de la référence à Rousseau, puisque c'est en effet une affirmation qu'on trouve dans le livre 3 du contrat social, l'affirmation selon laquelle nul doute que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Et Rousseau, il ne dit pas ça d'ailleurs d'une manière ironique, pas du tout. Mais il dit ça parce qu'il entend par démocratie un régime dans lequel le peuple exercerait tout à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et donc au regard de l'acception qu'il donne en effet, qui est très exigeante, à la notion de démocratie dans la classification des régimes politiques, à ce moment-là, il n'est pas très étonnant qu'ils disent cela. Parce qu'effectivement, il a tendance à considérer que compte tenu des intérêts particuliers qui animent les hommes, qui constituent le ressort de leur conduite, il y a fort à parier que s'ils ne sont pas des dieux, ce sera un régime très tyrannique ou despotique. Parce que chacun cherchera à tirer la couverture à lui. Et donc il pense en effet que le meilleur régime est celui dans lequel ceux qui exercent le pouvoir législatif ne sont pas en même temps ceux qui exercent le pouvoir exécutif. Voilà pourquoi il dit ça très précisément à propos de la démocratie telle qu'il l'entend. Alors, c'est une acception tout à fait particulière, hein, puisque ça signifie qu'en aristocratie, c'est un petit nombre qui exerce, c'est quelques-uns qui exercent le pouvoir exécutif, mais c'est toujours la masse qui, chez lui, ou plutôt le peuple, qui exerce le pouvoir législatif, c'est-à-dire souverain. Et même pour la monarchie, dans la mesure où Rousseau l'admet comme étant une des formes politiques, ça veut dire qu'il y a le monarque qui est celui qui exerce le pouvoir exécutif, mais certainement pas celui qui exerce en même temps le pouvoir législatif, sinon ce sera un despote. Donc à ce moment-là, c'est toujours chez lui l'idée que le pouvoir législatif doit être exercé par le peuple. Donc, même s'il dit ça, nul doute que s'il y avait un peuple de Dieu, etc., il se gouvernerait démocratiquement, c'est pas pour renoncer à l'idée que le pouvoir législatif doit être exercé directement par le peuple. Donc ça, là-dessus, il revient absolument pas. Donc voilà. Donc il y a première question, premier aspect de votre question, qui est la question de la pertinence de la référence donc à ce texte de Rousseau. Et puis il y a deuxième question, qui est la question plus large de savoir dans quelle mesure les hommes sont prêts à cela. Alors, il y a deux manières d'envisager la question. Il y a une manière assez simple que j'aurais tendance à récuser, qui consiste à invoquer une certaine permanence de la nature humaine. Et à ce moment-là, il est facile, en effet, de considérer à la lumière de l'histoire des hommes qu'il y a un certain nombre, comment dirais-je, de dispositions, de penchants, ou de tendances qui sont illustrées tristement à certaines époques qui font que l'homme est incapable de ça, foncièrement incapable de ça. Bon, j'aurais tendance à penser, alors là aussi à la suite de Marx, j'aurais tendance à penser que c'est d'abord et avant tout la pratique qui fait les hommes ce qu'ils sont. Je serais très sceptique à l'égard d'une supposée nature humaine immuable et invariable. Mais ce qui m'apparaît important justement, c'est les pratiques. Et donc c'est la transformation des hommes par leurs pratiques. Et je crois très profondément en la possibilité, non pas, parce que ça me fait un peu peur, de changer l'homme d'en haut, autoritairement, hein, ou par l'imposition d'un certain pouvoir, parce que ça, je n'y ai jamais cru. Mais je crois profondément à la capacité qu'ont les hommes de se transformer eux-mêmes, ce qui est tout à fait différent, par leurs pratiques. Et je crois que par conséquent, si on pose la question du commun politique de façon séparée, des communs sociaux professionnels, disons, à ce moment-là, effectivement, on aura beaucoup de mal à répondre à votre question autrement qu'en termes un peu désabusés, sceptiques ou bien dans le pire des cas cyniques. Ce que je veux dire par là, c'est que si on isole la sphère publique-publique, comme dirait Castoriadis, en considérant que la logique du commun doit prévaloir uniquement dans cette sphère mais pas dans la sphère sociale, à ce moment-là, ça devient assez difficile parce qu'on produit des sujets qui tendent à être peut-être pas schizophrènes, mais en tout cas au sens non pas psychanalytique, mais au sens courant du terme. Je veux dire par là qu'ils agissent dans la sphère sociale comme de purs et simples égoïstes soucieux de maximiser leurs intérêts particuliers. Et puis dans la sphère publique, on attend d'eux qu'ils soient capables d'un sens commun ou public qui serait assez miraculeux. Effectivement, ça c'est une des difficultés. Mais il nous semble que si on parle des communs, si on parle tant des communs au pluriel, à propos de la gestion de l'eau par exemple, ou à propos d'autres choses, c'est parce que les communs doivent être une école de la démocratie politique. Donc la démocratie politique ne doit pas surgir ex nihilo, c'est-à-dire elle ne doit pas surgir comme ça, c'est une des limites d'Arendt. Une des limites d'Arendt, c'est de penser justement le fonctionnement de la sphère politique comme étant entièrement séparé du fonctionnement de la sphère sociale, en disant dans la sphère sociale, les intérêts privés doivent se donner libre cours, parce qu'il serait dangereux de les limiter, mais en revanche dans la sphère publique, ce qui règne, c'est ce qu'elle appelle une très belle formule, la mise en commun des paroles et des actions. Et il nous semble qu'à cet égard, cette espèce de séparation tranchée est fâcheuse et elle compromet beaucoup. Et Castoriadis avait vu juste dans sa critique de Hannah Arendt. Il avait vu juste en ce sens qu'il avait mis le doigt sur la difficulté qu'il y a à introduire une muraille de Chine entre la sphère publique-publique et la sphère sociale. Et nous pensons qu'il doit y avoir des communs dans la sphère sociale, professionnelle ou économique, mais pas simplement. Et puis, il doit y avoir des communs politiques. Il y a des communs politiques et des communs socio-professionnels, et que la question, c'est celle de leur articulation. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être commun, parce que nous tenons à affirmer que le droit du commun est un droit qui doit remettre en question le caractère absolu et exclusif du droit de la propriété privée, mais nous n'avons jamais dit que le droit du commun devait remplacer, purement et simplement, le droit de la propriété, donc, et de la propriété privée en particulier. Donc je serais plutôt, moi, pour une articulation à l'échelle de la société entre un droit du commun, qui devrait effectivement être capable de subordonner les autres droits sans les supprimer, et puis d'autre part des droits qui continueraient de valoir, et notamment le droit de la propriété privée, mais à condition que justement son caractère absolu exclusif soit directement contesté. Ce que je veux dire, c'est que bon, il y a souvent une certaine hypocrisie, il y a des gens qui parlent du droit d'usage comme ça. Il y a une théorie américaine qui remonte aux années 50-60, qui est la théorie je crois qu'ils appellent ça « bundle of rights », c'est-à-dire du bouquet de droits. Alors, ils ont théorisé ça en imaginant comme ça qu'on pouvait séparer des droits. Alors, il y a le droit du capital, puis il y a le droit d'usage, puis il y a le droit de gestion, il y a le droit du management, puis il y a le droit qui serait, comment dirais-je, celui de décider. Comme ça. Il y a un morcellement, une fragmentation des droits comme ça. Comme si le droit du capital apparaissait comme étant un droit parmi d'autres, comme s'il était dilué finalement. Ce que je veux dire, c'est que justement, ce qui est en question, en fait, c'est la logique de la prévalence du droit de la propriété privée comme droit absolu exclusif. Et donc, c'est pour ça que nous parlons du droit du commun. Donc, nous n'envisageons pas qu'on puisse mettre fin à la conflictualité des droits. Moi, j'aurais tendance à considérer, justement, c'est pour ça que je vous rejoignais concernant votre conclusion, on pourrait, par exemple, illustrer aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que il ne faut pas chercher la production d'un nouveau droit dans l'élaboration d'un devoir-être abstrait, au sens moral du terme. Ce qui est un peu le piège dans lequel tombent un certain nombre de gens qui disent « Nous, on a la légitimité pour nous contre la légalité ». Une position assez facile. On le voit à propos de Sivens, hein, par exemple, souvent. Bon. Même si c'est un langage qui est assez généreux, c'est un langage qui me paraît assez dangereux. Parce qu'en fait, la conflictualité est interne à la légalité. Elle est interne au droit. Elle est interne au droit. Il y a une conflictualité entre des normes juridiques qui sont différentes. Et c'est facile à montrer, hein, y compris à propos du barrage de Sivens. Il y a dans le droit français, dans la légalité du droit français, une reconnaissance du caractère de l'eau dans le code de l'environnement comme bien commun. Et donc on peut parfaitement s'appuyer dessus, précisément pour lutter contre le droit de certains gros agriculteurs menés par un certain syndicat, justement, de faire prévaloir des intérêts qui, alors, pour le coup, sont des intérêts particuliers. Et il y a un terrain, le droit est un terrain de conflit. Une des grandes choses que montre Thompson, c'est que le droit est un terrain de conflit. Le droit ne peut pas être réduit à un pur et simple instrument. Le droit est un terrain de conflit. Il faut accepter de situer le combat, y compris sur ce terrain de conflit. Il faut assumer cette conflictualité. Voilà. Donc, je prends un peu de détour pour répondre à votre question, mais voilà, il me paraît qu'on ne peut pas aborder la question du commun politique de façon isolée. Si on l'aborde de façon isolée, à ce moment-là, sa préservation et son entretien apparaissent comme étant un miracle. Et peut-être un miracle, c'est peut-être un miracle continué, un miracle renouvelé, mais ça apparaît effectivement comme un miracle. Parce qu'on voit, mal comment dans un tel océan, dans un tel environnement social où les intérêts, les appétits les plus égoïstes donneraient libre cours, quelque chose comme ça pourrait survivre. Ça me semble en effet assez mal parti, assez compromis. Donc je ne dissocie pas les deux. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans le travail que tu nous présentes là, c'est qu'au fond, deux intellectuels, alors il y en a un qui est philosophe, un qui est sociologue, moi j'entends de la philosophie dans ce que tu nous as présenté aujourd'hui, en tout cas, c'est pas une forme de pensée qui m'est très familière, je dois l'avouer, mais ce que je vois dans ce travail, c'est deux intellectuels qui se disent on va produire du concept à partir de l'expérience historique que nous regardons avec attention. Jusque-là, on attend de voir ce que ça donne, et ça donne. Et le problème, c'est, enfin, le problème, la perspective, c'est que ça donne quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit un bouquin qui est extrêmement lu, qui est traduit dans beaucoup de langues, dans des pays inattendus, dans des langues inattendues, tu le disais tout à l'heure, et puis aussi des militants. On avait, enfin, à un moment, on était une réunion comme ça, absolument par hasard, de ce groupe-là qui organise les. C'est AAA, enfin, vous savez, c'est égal Front Gauche, plus des écolos, plus des PS, un peu dissidents, et qui organise la lutte contre l'austérité. C'est une petite réunion comme ça, on était absolument là, par accident. On entend ne parler qu'une seule chose, c'est le commun. Donc ça veut dire que, je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose, mais des militants qui sont bien embarrassés pour penser leur action parce que les temps sont durs, qui s'emparent d'une notion, je trouve ça prometteur. Voilà. Alors, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que quand vous avez travaillé sur des cas, en quelque sorte, hein, des cas de commun au pluriel, bon, je n'ai pas lu le livre, hein, c'est un aveu, donc les exemples nombreux, sans doute, dans les actualités récentes que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé, je ne l'ai pas présent à l'esprit, mais bon, l'eau revient. Hein, voilà. Le soleil, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui, à l'évidence, sont des, qui font partie en gros de certains registres aussi de la bataille politique. Comme les agriculteurs disent, nous sommes pas simplement des producteurs de biens, mais nous sommes des protecteurs de la nature. Quand les Indiens, les Amérindiens au Brésil nous disent, etc., on sauve la forêt amazonienne. On voit bien une sphère comme ça de la conflictualité sociale qui est pointée. Alors moi, ce que je voudrais suggérer, c'est que est-ce que vous avez aussi cherché dans d'autres directions, on va dire plus traditionnelles? Ou peut-être des choses qui ressemblent à vos communs se manifestent. Bon, Robert Castel, dans son travail sur les métamorphoses du salariat, donne des idées que je crois assez importantes. Sont nés, comme ça, à partir de la fin du XIXe siècle, des droits collectifs sur une fraction du salaire qui n'est pas distribuée individuellement, mais qui est du salaire social. Ce n'est pas d'une folle originalité, ça parle d'un phénomène absolument essentiel au XXe siècle, en tout cas. Mais est-ce que cette propriété commune, collective, je ne sais pas, non individuelle en tout cas, sur une partie du salaire, fait partie des communs dont vous parlez? Il y a aussi une autre forme de propriété sociale dont parle Castel, qui sont les... Cette évidence, ça a été même pensé par des juristes, d'une forme de propriété sur le poste de travail. Le poste de travail n'appartient pas seulement à mon employeur, il est aussi à moi, il est aussi à nous. D'abord, on ne peut pas me licencier n'importe comment. Et puis ensuite, il y a des droits de métier sur mon poste de travail, c'est les work norms, disons, que des syndicats, y compris les pires syndicats états-uniens les plus corrompus, ont réussi à instituer des formes. Et que cette forme de propriété-là, on va dire sur le poste de travail et les conditions de l'exercice du métier, peuvent faire partie de vos communs. Et alors, il y a une chose qui se produit quand même assez souvent, il y a quelques entreprises qui ferment, et puis de temps en temps, il y a des salariés de ces entreprises qui disent « Ok, on reprend ». Alors, ça c'est les scopes, ça renoue avec une espèce d'illusion très ancienne du mouvement coopératif. Il y a Proudhon, il y a toutes sortes de choses qui sont passées dans le XXe siècle, qui ont créé des coopératives, qui sont généralement transformées en autre chose, qui ont fait faillite, bon bref. Mais il y a quand même tout ce mouvement, en gros, défendre, ça c'est un langage un peu vieillot, mais très très vivant, défendre l'outil de travail contre les vandales qui vont empêcher que les machines soient embarquées par camion la nuit pour partir en Pologne, j'ai rien contre les Polonais, quoique. Disons la bataille contre les patrons voyous pour dire ici on a des brevets, ici on a des marchés, ici on a des machines, on est là pour les. Vous mettez la clé sous la porte, on la ramasse. Bon, il faudrait juste un peu d'argent, ce qui est évidemment généralement le problème. Donc, ces formes-là, est-ce que ce sont des communs à l'horizon? Bon, on peut aussi parler des terres en friche et des centaires brésiliens, bien sûr. C'est toutes ces formes où la production est en cause et où, comment dirais-je, les capacités pour produire des biens, en quelque sorte, sont laissées à l'abandon par les formes de la propriété privée. Est-ce que ça fait partie de vos communs, toutes ces choses? Alors, vous, j'aime pas beaucoup vos communs. Non, vous aussi, non. À toi et à Christian Lerat, c'est ça, je voulais dire. Au commun des auteurs, voilà. Oui, alors je crois qu'il faut peut-être repréciser ce que nous entendons par inappropriable, parce que c'est vrai que ça peut résonner de façon un peu catégorique, dans la mesure où ça semble faire un peu fi d'une notion comme celle de propriété collective, et je crois que ça mérite d'être approfondi. Ce que nous avons vu lorsque nous parlons de la propriété, c'est essentiellement la propriété publique, c'est-à-dire la propriété étatique, et la propriété privée. Il y a de nombreux auteurs, et Castel n'est pas le seul, à avoir justement distingué la propriété collective ou la propriété sociale, il préfère appeler ça propriété sociale, de la propriété purement étatique ou de la propriété privée. À ce moment-là, c'est une différence qui est assez importante à prendre en compte et qu'il faut effectivement être capable, me semble-t-il, de relier et d'articuler à la logique du commun telle que nous la concevons. Parce que finalement, on s'aperçoit que le titre juridique de propriété, dans certaines situations, n'est pas très important. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive parfois qu'il y ait des scopes, qu'il soit des scopes sur le plan de la forme juridique, et puis qui en fait dissimule assez mal, derrière cet écran-là, quelque chose qui n'a pas tellement de réalité coopérative. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, je n'aimerais pas des entreprises, mais il y a des entreprises, des coopératives, des scopes qui ont réussi, et qui se sont entourées d'un certain nombre de sociétés, et la holding, elle, est peut-être très coopérative dans l'affichage, mais en revanche, les autres entreprises fonctionnent à la schlag, pardonnez-moi l'expression. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, donc il faut faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que le critère décisif, c'est le critère de la praxis, c'est-à-dire le critère de la production de règles, de la coproduction de règles. Parce que lorsque cette coproduction de règles n'est pas là, qu'on s'abrite derrière le titre de la propriété collective ou pas, finalement, ça importe relativement peu. Et il y a des exemples des deux situations possibles. Par exemple, tu as parlé, bien sûr, de ce qui peut se passer dans les entreprises, mais tu as parlé de la reprise, du fait que certaines entreprises étaient reprises par les salariés. Il y a eu un mouvement dans les années 2000 en Argentine, assez important, qui est un mouvement, non pas d'ailleurs de propriété collective des usines, mais de récupération des usines abandonnées par des patrons. Alors, récupération, c'est très important, parce que c'était pas du tout l'affichage, de la part de ces groupes de salariés, c'est pas de dire on va demander la nationalisation de l'entreprise qui a été abandonnée par le patron. Il a mis la clé sous la porte, parce que c'est en 2000, donc c'est immédiatement après la grande crise qui a frappé l'Argentine, et il y a des centaines d'entreprises, petites, plus ou moins grandes, etc., qui ont été récupérées. Et à ce moment-là, les ouvriers, en effet, se sont constitués en collectif, certains en SCOP, d'ailleurs, enfin, l'équivalent des SCOP là-bas, parce qu'il y a une législation internationale aussi sur les sociétés coopératives. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir, d'entrer dans le détail, ce que nous n'avons pas le temps de faire dans le livre, mais d'entrer dans le détail des situations conflictuelles locales qui apparaissent et qui sont parfois extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des entreprises dans lesquelles les ouvriers ont tendance à faire assez spontanément confiance à l'ancien encadrement, qui donc se trouve reconduit au poste de commandement et qui dirige d'une façon aussi paternaliste que le patron qui a démissionné ou qui a abandonné l'entreprise. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles il y a un régime de fonctionnement qui est tellement égalitaire que c'est l'Assemblée Générale quotidienne, avec ce que ça implique comme difficulté pour faire marcher économiquement l'entreprise. Donc il y a place pour des situations extrêmement diverses, et donc la praxis instituante, c'est-à-dire la pratique de coproduction de règles démocratiquement, discutée, mise en œuvre, etc., c'est une pratique qui n'est pas évidente. Ce que je veux dire par là, c'est un combat, même à supposer que ça a été mis en place au début, au moment de la récupération, c'est un combat pratiquement de tous les jours. Alors là, c'est le quotidien qui est en jeu, avec les difficultés que ça peut soulever. Donc je crois effectivement qu'il y a des aspects extrêmement divers. Je prendrai un autre exemple récemment. Ça fait partie aussi des aspects plutôt positifs de la diffusion de Commun et de sa lecture. On a reçu avec Christian, c'est la découverte qui nous envoie ça, un extrait d'un journal, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Sens Commun, dans lequel il est question d'expérimentations qui sont faites dans l'ordre, par exemple, de l'habitat coopératif ou dans l'ordre de mise en commun de terres par des associations. En particulier, il y a une association qui s'appelle Terre de Liens, qui est amenée à racheter, en tant qu'association, des dizaines et des centaines d'hectares, de manière ensuite à interdire que les terres qui ont été ainsi rachetées soient commercialisées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les aliéner et les vendre. Et en revanche, il les loue à des taux très avantageux à des paysans qui deviennent, à ce moment-là, partie prenante de l'association elle-même. Et donc qui veillent sur la façon dont les terres elles-mêmes sont gérées. Je trouve que ça, c'est un exemple de commun. C'est un exemple de commun qui est lié à un certain régime de propriété, puisque c'est le régime de la propriété collective. Mais donc, tu vois qu'il y a place à cet égard pour une très grande diversité. Et il me semble que la pire des choses, ça serait d'essayer de tout uniformiser, en disant, ben voilà, le commun, ça doit être ça. Donc si c'est pas ça, à ce moment-là... Non, il faut à cet égard faire plutôt confiance aux acteurs, c'est-à-dire aux gens qui sont engagés dans les pratiques et qui s'aperçoivent devant des difficultés qu'il faut parfois être capable de ruser, comme d'aucuns peuvent le faire dans des, comment dirais-je, branches d'activité très différentes dont on a l'expérience les uns et les autres, parce qu'on sait très bien que Il faut bricoler, il faut ruser, il faut, pour éviter de passer sous les fourches codines, justement, de certaines normes, sans qu'on ait toujours la possibilité de mettre en place comme ça une forme institutionnelle de commun, parce que ça n'est absolument pas évident. Donc il y a des choses comme ça extrêmement diverses qui se font, y compris en France. Je suis très content d'avoir été invité pour un festival qui se tient, je crois, en mai à Chasselas, donc dans le sud de la Bourgogne, mais précisément, pas uniquement à cause du vin, de la qualité du vin qu'on y boit, encore que ce ne soit pas négligeable, mais parce qu'il y a un vigneron qui a fait parler de lui. Vous avez peut-être entendu parler de cela, c'est un vigneron qui avait refusé d'utiliser des produits qui avaient été imposés aux vignerons de toute la région par un arrêté préfectoral. Un cépage. Voilà, exactement. Et alors à ce moment-là, exactement, en plus ça concerne le rapport assez particulier que les vignerons peuvent avoir avec les plants et les cépages. Donc, et lui, il a été intraitable, il a refusé de se plier à ça, il a été condamné, mais d'une manière telle que... Et il a fait même appel, mais c'est une amende assez dérisoire, parce qu'il y a eu une campagne internationale. Bon, et donc du coup, je suis assez frappé de constater que cette question du commun apparaît comme un enjeu pratique, politique pratique, à des gens qui sont à milieu du champ universitaire. En effet, je crois que la remarque que tu fais... Il faut vraiment la considérer comme étant susceptible d'être enrichie à partir tout simplement des expérimentations politiques en cours, qui sont des expérimentations collectives, mais des expérimentations pratiques en même temps. Et ce, à des niveaux qu'on ne peut pas soupçonner. Voilà, ça prend pas nécessairement la forme de la défense d'une zone par des zadistes. Bon, y a des choses comme ça qui se font d'une façon beaucoup plus diffuse, moins publique, moins connue, mais qui sont sans doute tout aussi importantes pour la transformation de notre société. Donc moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Alors il y a des chapitres, bon, je renvoie, je n'ai pas le temps, il y a des chapitres que l'on fait dans les 9 propositions politiques qui sont relatifs à la question non seulement des services publics, mais à la question de l'économie sociale et solidaire, à la question des coopératives, à la question... Voilà. Donc je considère... Bon, le cas de Castel, c'est un peu particulier, parce que ce qu'il appelle propriété sociale, c'est la propriété de ceux qui n'ont pas de propriété. Il insiste beaucoup sur cette idée-là, donc, avec en même temps l'idée qu'il avait de ce qu'il appelle le précariat, donc la substitution au salarié classique de ce qu'il appelle le précariat, et en même temps le fait que cette propriété sociale se trouve mise en cause d'une manière assez directe. Il me semble assez difficile d'envisager que cette propriété sociale soit défendue efficacement si on se contente uniquement de dire elle doit être maintenue dans la forme juridique qui était la sienne avant que l'offensive libérale ne commence. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle il me semble assez intéressant de nouer cette question de la défense de la propriété sociale à la logique qui est celle du commun. Voilà. Donc je considère en effet que ça fait tout à fait partie de ce... Voilà. C'est pas un terrain qui est délimité par quelques grandes questions qui secouent l'humanité, comme la question de l'usage de l'eau. Bon, parce que c'est évident que ça, ce sont des questions qui viennent tout de suite au premier plan. C'est évident. Chacun sait que parmi les pronostics les plus sombres, il y a l'idée de guerre du climat, donc, qui sont liées à la question de l'eau et de l'approvisionnement en eau. Donc c'est une question qui est très brûlante. Mais il est évident qu'il ne faut pas se focaliser sur cette seule et unique question. Simplement, je voudrais dire en conclusion, c'est que la bonne démarche consiste justement à faire droit à toutes ces expériences dans leur diversité. Et certainement pas à essayer d'élargir la nomenclature des biens communs. Il y a certaines associations écologistes qui, à mon avis, sont tentées par une démarche que je trouve assez stérile, qui consiste à prendre, vous savez, la vieille catégorie des choses communes dans le droit romain. Il y avait l'air, la mer, le rivage de la mer et l'eau courante. Et puis à essayer de l'élargir. En disant, il y a l'atmosphère extragalactique, il y a le génome, il y a ceci, et on doit ajouter ça, et on doit ajouter ça, comme s'il y avait une liste, et comme si on devait, par inflation, élargir indéfiniment les contours de la liste. Alors ça me semble pas du tout une très bonne démarche, mais pas du tout. La démarche, au contraire, elle consiste d'abord à faire attention à la façon dont un certain nombre d'acteurs de pratiques collectives sont amenés à, formuler ou exprimer un certain nombre de demandes en la matière. Et là, c'est une des grandes idées que nous tenons à défendre dans le livre, c'est cette idée qu'il n'y a pas de commun qui serait inscrit dans la nature des choses. Il y a une réflexion politique de la société sur les besoins qui sont les siens et qui doit amener la société, segment par segment ou dans son ensemble, à décider de soustraire de la sphère de l'appropriation un certain nombre de choses pour les réserver à l'usage commun. Voilà. Ça, c'est fondé sur une décision politique. ce que Castoriadis appelle une auto-institution de la société. Ça... Oui, moi, c'était... Excuse-moi, c'était tout d'un coup... Ah, ça vient de derrière. Non, moi, je voulais juste réagir et comprendre cette proposition de tourner le droit d'usage contre le droit de la propriété. Alors, moi, j'ai un exemple en tête, c'est au Maroc, où il y a les terres collectives. Et où la propriété collective ne s'oppose pas du tout au droit d'usage. Au contraire, on a une propriété collective qui est basée et articulée à un droit d'usage. Donc voilà, c'était cette articulation-là que je ne comprenais pas. Et puis qui pose la... Alors, mais quand on regarde, évidemment, comment fonctionnent les terres collectives et le droit d'usage, il y a une énorme conflictualité et qui est notamment définie par... Enfin, dont les contours sont définis par qu'est-ce que la coutume, précisément. Et donc là, évidemment, on a... Et qu'est-ce que la communauté ? Et donc, à partir de cet exemple très basique de la propriété collective et du droit d'usage des terres collectives, des problèmes énormes que cela pose, et pas simplement dans la confrontation avec le droit de la propriété privée, les droits coloniaux, puis les droits monarchiques, puis les droits, le droit positif. Mais, à l'intermédiaire même de la reconnaissance du droit de la propriété collective, ces problèmes de définition de la communauté, de définition de la coutume, de définition de... Oui, alors ça c'est un problème qui est assez important en Afrique, et pas simplement au Maroc, hein, parce qu'on a pris l'exemple avec Christian de l'Éthiopie, qui est un cas terrible. Dans la mesure où vous avez une sorte de pacte entre l'État et d'autre part des grandes entreprises multinationales, hein, indiennes, mais pas seulement. Arte avait consacré un documentaire à cette question, ces planètes à vendre, où il était question justement de cette emprise croissante comme ça. Parce que vous avez un. Alors le régime doit être un peu différent de celui du Maroc, mais vous avez un État qui est propriétaire de la quasi-totalité des terres en Éthiopie. Je dis bien de la quasi-totalité des terres. À l'abri, derrière le rempart de cette propriété étatique, les paysans avaient imposé au fil des siècles un droit d'usage collectif. Donc ils traversaient un certain nombre de terres, comme ça, pour pouvoir faire paître leurs bêtes, etc. Ce qui s'est passé presque du jour au lendemain, c'est que l'État donc, a passé un deal, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec une firme multinationale, et ils ont... loué à un taux dérisoire pour 99 ans. Vous imaginez ce que c'est comme beau. Ils ont loué ça à des entreprises donc, qui ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent, des terrains, et qui en profitent pour exclure le droit d'usage collectif issu des anciennes coutumes qui tendaient à prévaloir jusqu'à présent chez les paysans. Donc tout d'un coup, un type se voit interdire l'accès à ses bêtes de tel ou tel terrain, parce qu'il est il a été cédé à une multinationale. La multinationale, devant des mouvements revendicatifs, dit « mais nous ne sommes pas responsables, c'est votre État ». En plus, c'est avec un malin plaisir. C'est votre État qui a fait ça, donc c'est vers lui que vous devez vous retourner. Ils se retournent vers l'État, et l'État leur dit à ce moment-là « mais nous, nous n'y pouvons rien, puisque précisément ça a été cédé, donc c'est lui, le propriétaire privé, la firme multinationale qui est responsable ». Alors ça produit effectivement quelque chose d'assez dramatique, donc il faut bien... comprendre que bon, c'est sans doute le cas aussi au Maroc. Mais... Oui, mais justement, moi, les cas du Maroc que je mentionnais, c'est pas ça. Ah, ben justement, alors voilà. donc, à ce moment-là, c'est la question de savoir comment on peut réinvestir éventuellement les anciennes coutumes d'un nouveau contenu. Oui, et comment ces terres collectives, avec effectivement des coutumes et avec une communauté définie, évidemment, elle fait partie d'une société qui évolue. Et donc, il y a des conflits de définition de redéfinition de la coutume, de redéfinition du leadership, des règles même du fonctionnement du commun. Et en dehors même, parce que dans le cas du Maroc, il y a ce que vous décrivez, mais il y a aussi une reconnaissance de ces terres collectives. Et donc, sur ces terres collectives, l'État n'a aucun droit. Et il y a vraiment reconnaissance de la terre collective. Mais au sein même de ce commun, il y a des conflits énormes qui peuvent effectivement aboutir parfois à une dépossession, mais qui est le fait de la logique propre et pas d'une logique étatique ou d'une logique d'accord. privée. Oui, alors ça, donc c'est une conflictualité interne à la gestion d'un commun. Oui, tout à fait. Voilà, bon, ben ça, je pense que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut évacuer. Il ne faut pas chercher justement à évacuer la conflictualité. Il faut chercher, parce que sinon, on a des cas, soit en Bolivie ou dans d'autres coins, où précisément, faute d'avoir pris en charge la conflictualité, on a abouti, alors là, à une pure et simple scission, à une destruction du commun, purement et simplement. Oui. Ou des appropriations privées. Ça a été le cas en Bolivie avec le Tipnis, avec le projet d'une grande route comme ça qui traverse, sous prétexte de désenclavement économique, mais en dépossédant les communautés indigènes du rapport qu'elles ont avec leurs terres. Alors, il ne s'agit pas de céder non plus au culte de la terre-mère. Hein. Bon. Donc ce n'est pas du tout ça. Mais effectivement, il y a dans ce que j'appellerais peut-être le gouvernement des communs, plutôt que la gestion des communs, il y a une dimension de conflictualité qui me semble être absolument irréductible. Donc il ne faut pas chercher à la réduire. Il faut chercher à la surmonter, ce qui n'est pas du tout la même chose, par la coproduction de règles. Donc par la transformation des anciennes règles. Voilà. Tout à fait. Mais ça veut dire que ce n'est pas en conflit et avec un droit de propriété. Bien sûr. Mais c'est une situation qui est extrêmement rare en Europe. Oui. Donc ça vaut au Maroc, compte tenu de l'histoire particulière du Maroc. Mais on revient toujours, c'est vrai, à la question de savoir. Le droit de bourgeoisie dans les communes suisses. Mais c'est un exemple que souvent Ostrom, l'économiste dont on parlait, avait choisi précisément. Ces espèces d'enclaves, c'était aussi un défaut de son analyse, parce qu'elle prenait les enclaves comme ça, les pâturages, les zones d'irrigation, en disant que c'était ce qui permettait d'échapper à l'alternative du public et du privé, parce que ça montrait que les gens, il fallait leur faire confiance dans la mesure où ils étaient capables de gérer un certain nombre d'espaces institutionnels en mettant en œuvre des règles, alors même que l'État n'intervenait pas et alors même que le marché n'intervenait pas. Voilà. Mais la limite de son approche, c'est qu'on avait l'impression comme ça de petits isolats, qui était complètement à l'abri des influences du reste du monde et qui était finalement investi d'un projet d'autarcie, quoi, parce que c'était un peu ça. Quoi. Alors c'était pas du tout dans cette perspective-là que nous on pense la question du commun, c'est au contraire comme levier de transformation de toutes les relations sociales. C'est différent. Il y a un moment dans l'ouvrage, il y a une section que vous reprenez, Arendt, mais qui vient des Grecs, entre ce qui est justement public et ce qui ne l'est pas. Et, donc il y a la l'oikos, donc les affaires domestiques, privées. Il y a ensuite, donc privé, ça serait. Et ensuite, il y a l'agora, j'imagine, qui est privé et public, c'est-à-dire on sort de chez soi, mais pour aller discuter avec autrui, on ne fait que discuter, on échange des idées, voilà. Et puis il y a l'ecclésia qui est qui est vraiment l'instance où l'on débat et où l'on délibère et où l'on décide. Et donc vous dites chez Arendt, finalement le politique se limite à ce stade-là. Et l'agora reste une sorte d'hybride. Et pour vous, en fait, ce registre-là, le registre des échanges sociaux, s'intègre dans le registre public et politique autant que l'ecclésia. Alors même qu'il n'y a pas, alors du coup, il n'y a pas de formation d'une opinion commune. Bah, si, il y a ça. Il peut y avoir formation d'une opinion commune. Et ça peut être une première étape vers précisément une revendication ou une idée, disons, d'aller voir ceux qui se trouvent dans l'Ecclésia et de leur dire que la délibération qu'ils ont prise n'est pas très bonne. Mais en même temps, on peut voir aussi l'inverse, parce que je pensais à la multiplication des instances au sein des organismes de recherche de l'université, des instances dites d'avis, qui émettent des avis nécessaires aussi. Voilà, donc on a des instances qui peuvent être locales, propres à un établissement, le conseil scientifique, ou maintenant ça serait le conseil académique, je crois, où on met. Voilà, le Sénat. Voilà, où l'on met de braves gens qui vont avoir toute l'apparence de la délibération, mais qui n'émettent à la fin qu'un avis consultatif dont on peut très bien se moquer et ne pas tenir compte. Donc là, dans cette vision des choses, on a finalement une sorte de régression, puisque ça c'est le Canada Dry de la politique et de la délibération, ça a tout à fait l'effort, mais ça ne produit rien par soi-même, puisque cela dépend d'une entité autre qui va décider de ce qu'elle va en faire. J'avais un vrai problème en voyant votre distinction qui tirait plutôt donc l'agora vers le politique, alors qu'on voit plutôt l'inverse, là où c'est une sorte de simulation ironique. Tout à fait. Oui, alors on a repris la distinction à Castoriadis. Parce que la distinction a été faite par lui, en effet, il a dit la partition que Arendt est amené à établir est un peu simplificatrice, parce que la réalité chez les Grecs était plus complexe. En effet, il y avait l'oikos, donc le foyer domestique, qui était purement privé. Il y avait une sphère qui était celle de l'agora, qu'il ne faut pas confondre avec la sphère de l'Ecclésia, parce que la sphère de l'Ecclésia était la sphère qu'il appelle public-public. Mais notre idée, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait étrangère non plus à la démarche de Castoriadis, est de dire que le principe du commun ne doit pas simplement prévaloir dans la sphère publique-publique, c'est-à-dire dans la sphère qui est celle de l'Ecclésia, donc de l'Assemblée, mais qui doit en même temps prévaloir, sous des formes différentes, dans la sphère de l'agora, c'est-à-dire dans la sphère des rapports sociaux, de la sphère sociale. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on parle des communs, aussi bien en termes socio-professionnels qu'en termes politiques, purement politiques, c'est-à-dire les communs qui seraient constitués sur une base territoriale, à ce moment-là, indépendamment du contenu de telle ou telle chose matérielle à prendre en charge, ce seraient des communs qui seraient justement purement politiques, qui ressortiraient de ce que Castoriadis appelle la sphère publique-publique. Et puis les communs, ça c'est une idée qui vient de Proudhon, en effet, les communs qu'on pourrait plutôt appeler socio-professionnels, qui ressortiraient de la sphère que Castoriadis appelle la sphère qui est celle de l'agora, donc la sphère des échanges sociaux. Mais le même principe devrait prévaloir dans les deux sphères. C'est pourquoi, tout à l'heure, en réponse à votre question, je disais que les communs socioprofessionnels devraient constituer une école. Et ce n'est pas quelque chose de complètement indépendant, parce que si le même principe... Enfin, c'est difficile à expliquer. Si le même principe ne régit pas les deux sphères, à ce moment-là, on voit mal comment la sphère politique, c'est-à-dire publique-publique, peut continuer à vivre longtemps. Comment elle ne serait pas menacée elle-même de l'intérieur par les rivalités et les conflits d'intérêts. Au sens le plus... alors là, pas d'assumer la conflictualité dans la gestion des communs, hein, au sens du déchaînement des appétits privés et des intérêts particuliers. Et donc, à cet égard, bon, il y a des indications chez Arendt qui vont d'ailleurs au-delà de la partition qu'elle-même indique, puisqu'on a pris une interview qu'elle a faite sur politique et révolution, plutôt vers la fin de sa vie, où elle tend à indiquer que ce qu'elle appelle les conseils doivent être étendus à des sphères d'activité extrêmement différentes, voire sociales ou professionnelles. Donc c'est assez curieux, parce que c'est pas la reine qu'on connaît, qui est une conseilliste, mais au sens purement politique du terme. Voilà, donc il nous a semblé en effet que c'était important de pouvoir étendre ce principe politique à la sphère, non pas simplement publique au sens strict, mais à la sphère publique-privée, comme dit Castoriadis. Et donc ça... pour nous, ça implique qu'en effet, le droit d'usage soit tourné contre le droit de propriété pour une raison essentielle. C'est que le simulacre dont vous parlez, avec même des appellations pompeuses du type Sénat, ça n'a rien à voir avec le droit d'usage tel que nous l'entendons, c'est-à-dire le droit de coproduire des règles. C'est en effet quelque chose qui est de l'ordre de l'ornement de l'instance consultative. À ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'usage. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'usage tel que j'ai essayé de le défendre dans l'exposé. Oui, puisque ceux qui participent à ça ne sont pas des coproducteurs des règles du fonctionnement de leur instance. Voilà, c'est pour ça que je disais... C'est le sens de la deuxième proposition politique. C'est ça, parce que dans la théorie des bundle of rights, c'est complètement fragmenté. Il y a des théoriciens américains qui disent justement il y a le droit de gérer, de manager, il y a le droit... on pourrait d'ailleurs discuter sur la traduction, parce que management et manager, il y a quand même, dans le sens anglais et américain du terme, l'idée aussi d'un pouvoir de décision. Et, alors c'est assez, comment dirais-je, en français, ça apparaît comme étant, c'est juste de la gestion. Donc la gestion, comme ça, couper de la décision, l'usage, couper les règles, l'usage, couper du pouvoir de décision. Alors ça, effectivement, c'est ce contre quoi, justement, on a voulu lutter. C'est pour ça qu'on tient particulièrement à la valeur de la deuxième proposition. C'est le centre pour nous. Et j'aurais aussi une autre qui est un étonnement. En effet, disons, instinctivement, je m'étonnais qu'il n'y ait pas de référence au pragmatisme, justement, et notamment à Dewey. Puisque pour Dewey, l'État serait une sorte de commun, puisque c'est ce qu'un collectif humain met en place pour gérer ses affaires. C'est une vraie question, parce que Christian, qui réfléchit sur les problèmes de l'école, est particulièrement intéressé par la démarche qui est celle de Dewey en matière, parce que c'était en effet quelqu'un qui est un démocrate radical. Donc on a souvent tendance en France à considérer que tous les pragmatistes sont d'horribles réactionnaires, parce que le pragmatisme, c'est la preuve du pudding, c'est qu'on mange. Et donc on a tendance à considérer que ça va très bien avec l'idéologie néolibérale, parce que le critère c'est la réussite de l'action. Ce qui est une sombre connerie, hein, parce que les pragmatistes américains ont compté parmi justement les démocrates les plus radicaux. Et c'est le cas de Dewey, qui va très loin en la matière, et qui considère effectivement que le critère essentiel, c'est la pratique. Donc derrière la référence au pragmatisme, c'est pas la guerre des intérêts privés. C'est pas du tout ça. Et c'est quelqu'un qui pense en effet l'État d'une manière assez novatrice. D'ailleurs, avec les filles, on pense que vous dites sur le commun, en disant que ce n'est pas une chose qui reste des propriétés, et à partir de ces propriétés objectives, on pourrait ranger telle chose dans le camp des choses inappropriables, ou au contraire des choses qui peuvent avoir un propriétaire privé, etc. Mais c'est précisément la constitution à la fois d'un problème et d'un public de ce problème-là qui va le prendre en charge. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais que c'est ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est présenté dans le champ du droit de la propriété, on peut avoir son alter ego qui est le droit d'usage, parce que c'est une manière carrément de mettre pas de marché sur la tête, on peut penser que notre monde actuellement marche sur la tête là où il va. Là aussi, la preuve qu'il marche sur la tête, c'est ce qu'il fait à la planète, c'est ce qu'il fait à la plupart de l'humanité, plusieurs milliards de gens qui vivent mal, etc. Mais c'est de le remettre à l'endroit, peut-être, précisément pour que nos contemporains puissent remarcher sur leurs pieds et pas être contraints de le faire sur les mains. C'est quand même plus pratique. C'est un très beau mot de la fin. Bien, merci.